vendredi 26 octobre, pour aller plus loin. Lisez Ellen G. White, l'union entre les différentes nationalités et unité en Jésus-Christ dans Témoignages pour l'Église au volume 3 à la page 449-458. Le Christ n'a reconnu aucune distinction entre la nationalité, le rang ou le credo. Les scribes et les pharisiens désiraient accaparer tous les dons du ciel au profit de leur nation, à l'exclusion du reste de la famille divine dans le monde entier. Mais le Seigneur est venu abattre toutes les barrières qui séparent les hommes et montrer que le don de sa miséricorde et de son amour, comme l'air, la lumière ou la pluie qui rafraîchissent le sol, ne connaît pas de frontières. Par sa vie, il a été établi une religion sans caste, grâce à laquelle juifs et païens, libres et esclaves, sont unis devant Dieu par un lien fraternel. Aucun exclusivisme n'influençait ses actes. Il ne faisait pas de différence entre voisins et étrangers, amis et ennemis. Son cœur était attiré vers toutes les âmes qui avaient soif des eaux vives. À méditer. Réfléchissez à cette déclaration. Dans le quatrième chapitre d'Éphésiens, le plan de Dieu est révélé de manière si simple et claire que tous ses enfants peuvent s'en saisir. Là était clairement établi le moyen par lequel il a résolu de maintenir l'unité dans son Église, c'est-à-dire que ses membres manifestent au monde une expérience religieuse équilibrée. Que voyez-vous dans Éphésiens 4 qui renvoie à l'unité de l'Église? Que peut-on faire pour contribuer à assurer cette unité? Dans la question de l'unité, le besoin d'humilité et de soumission est central. Sans ces qualités, comment une quelconque unité pourrait-elle exister dans l'Église? Si nous sommes orgueilleux, sûrs de nos idées et de nos opinions et peu disposés à écouter les autres, nous n'avons aucune chance de parvenir à l'unité. Comment apprendre cette humilité et cette soumission? Comment peut-il y avoir de l'unité, même quand tout le monde n'est pas d'accord sur tout?